la température monte. Paris compte 30 degrés à l'ombre. Chaque seconde la chaleur chauffe, les ondes, les thermomètres, ils jonglent, les rues se démontent. Le béton fond sous un soleil de plomb, la brise estompée. Les garçons vont pêcher la boisson. Bédo, allumez radio, allumez yé les bonnes go. Allumez plein qu'aux jupes des côtes, les sont l'été sur Abo. Mini défilé, la scartinée en BMW loué. VTT pour les faux, j'ai pas de cesse pour les fonces des pélé pélé. Night shop, basket blanche pour improviser corps à corps. Sous les pécouins, les crous, rouge wine, décapotable, portable, cartable sous la table jusqu'à septembre. Baf, la fond, le son, ton juillet, août, sans interrupt, sans garçon. Rêver de voyage. De beach sexy, de plage ici ou cage d'escalier d'ici. Finissent par brouiller nos esprits. La police les choum, les jeunes en GTI. Golf, scooter, coffre, la mairie offre un voyage pour calmer les gosses vers midi. Rendez-vous sur le quai, puis pas de ticket. Nique sa mère, les leurs aux aguets. J'ai place du Châtelet, plein de zoulous partout. Squat lié à la charte, format des gars, j'ai mal de peau. Moi, tout des gypsies, rigrate un club. Chico, draga, gogo, bingo, style. Château d'eau flambe, long talon, j'ai belle jambe. J'en compte à divers 2h30. Comment on dit? Ça va, daddy? À part ça, qu'est-ce qu'on dit? Les cartes échauffent, les débats non-stop. Non-stop. La tension monte, l'ambiance est au top. Bon, de façon, fraîche pour les garçons. Passe la pour les fans, pour la flow sur du bon son. Sur du bon son. Les cartes échauffent, les débats non-stop. Non-stop. La tension monte, l'ambiance est au top. Bon, de façon, fraîche pour les garçons. Passe à fond, passe à fond. La température monte. Robe légère décolleté, provoque, forme révoltée pour tes potes et les filles n'ont plus honte. Les gars se la racontent, tourneront, galère, vagabonde, klaxon bien mal garé. PV changement de sujet, j'mate ma montre, j'déduis gamin, la température monte, go. Car aux mauvaises rencontres, passons de regard, on s'affronte. Les crevards font les comptes, zap, fringue, brinque, échange de slingue. On se croirait au De Plaine ou à Saint-Domingue. En tout cas, j'te garantis pas de place pour les mingas. Et pourtant, dans la foule, on les connaît, les vrais gars. Rapzago, mine à la cause. Veste fil à Renoir et Ten Park, Dockside, 500 à de la vape Scarla. Gratuit pour les nanas, 120 pour les gars, tu n'es ou pas. Sapé ou pas, le portier te loupe pas. Il te manque pas. Non accompagné, t'y échappe pas. Tout est bon, une caisse du bon son. En guise d'appât, fantôme, storgie, de gadji, de tape pour les OG. L'esprit dérangé, fume à colle, c'est premier G. Ce soir, pas de projet, en congé, le danger, ne plus y songer. Pouvoir se laver, se lâcher, ou piller, gaver, le béton, le pavé, sans baver, sans mal que t'as fait ou t'avais. Quelques principes entravés, la température monte à l'entrée. Chacun veut montrer en robe échancrée. Costard cintré, t'as pas l'œil de près. En jeté flambé, bluffé, un semblant de concret. En tout cas c'est free, si le leader ne l'a pas compris. Hélas, y'a des grappes, je sois pas surpris. Si les flics se pointent, pas vu, pas appris. À Paris la nuit, remake à juillet août pour fuir l'ennui. Eh, hey, doucement là. Hein? Vous n'entrez pas d'abord. Eh les gars, ouais, qu'est-ce qui se passe là? Ça arrive là. Vous n'entrez pas, tu vas nous laisser rentrer? Quoi, attends, pourquoi t'es comme ça? Qu'est-ce qu'il veut là?